moi je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages jusqu'à ce que mon air sonne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages sous une pluie d'automne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Le bonheur, c'est quand le temps s'arrête, ou lorsqu'une note se pose au creux de l'oreille me caresse. Qui a déjà osé admirer l'automne? Moi je le dis d'une voix basse et monotone. Un texte, un récit autour d'une feuille de cuivre. Il y a des phrases au fond qui ne peuvent que s'écrire. Une heure esquisse et matinale. Pour moi l'automne est loin d'être une saison marginale. En elle souvent je m'identifie. Elle est sobre, pleine de retenue et de vie. L'heure à laquelle ou sous la pluie tout change. Du bout de feuilles discrètes qui se mélangent. Et on assiste à un ballet classique et magique. Un métissage d'or et d'ocre, ça c'est magnifique. Un moment de désordre où tout s'effondre en un instant. J'ai eu le rêve indécent de faire emporter par le vent. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages jusqu'à ce que mon air sonne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages sous une pluie d'automne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Pour moi l'automne représente mon premier pic, mon premier texte, ma première feuille, mon premier récit. Je me suis surpris en train de rêver. Et un soir j'ai terminé mon premier cahier. Et enfin ma toute première scène. J'ai signé premier projet, premier opus dans mes veines. L'automne est comme ma vie, tu vois, elle est si simple. Je vise le sommet dans la modestie en essayant de rester humble. Il s'en passera du temps avant que ma passion s'efface. Une feuille pour un texte, alors j'ai plus de mille et une faces. Sous une pluie d'automne, je t'invite dans ma carrière. Un pas en avant, mais je compte le double en arrière. Le monde est aveugle, je devrais écrire en braille. J'écris et j'écris, imagine une chute de feuilles en vrac. Un moment de désordre où tout s'effondre en un instant. J'ai eu le rêve indécent de faire emporter par le vent. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages jusqu'à ce que mon air sonne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages sous une pluie d'automne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement. Saphir, saphir. Regarde-moi, je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à personne. Pris entre deux visages sous une pluie d'automne. Une vie éphémère que je vis pleinement. Simple envie que l'on écoute mes chansons simplement.